Alors, il y a un micro, théoriquement. Non, un micro réel. Un vrai micro. C'est un micro virtuel. C'est une intervention qui va être un petit peu en décalage. C'est juste pour donner un exemple. J'ai entendu processus de Bologne, compétences, profession, université. Moi, je suis étudiant à l'école et par ailleurs, je suis infirmier. Et en fait, ce qui se passe en ce moment pour l'infirmier, ce qui se passe en ce moment pour la profession infirmier, infirmière, c'est qu'il y a le processus de Bologne qui se met en place, il y a une intégration à l'université et on passe aussi à un référentiel de compétences. Donc, ce que je voulais soulever, c'est que moi, ça me choque parce qu'au départ, c'est une formation professionnalisante et là, ça passe complètement à l'as. Et là, on pourrait faire le lien avec la question de la formation des enseignants. C'est que c'est avant tout une profession et donc c'est un processus particulier. C'est pas de l'université. Et le fait que l'université accepte toutes ces formations qui n'ont pas de base disciplinaire ou qui s'appuient sur différentes disciplines, je trouve que ça voile un petit peu l'émission de l'université et ça dilue plein de choses. On peut mettre tout et n'importe quoi. C'est l'université, ça devient un sac qu'on remplit. Voilà. Donc les infirmiers et les infirmières, on ne les entend pas trop. Eux, ils étaient très contents d'entrer à l'université, mais avec le fantasme de une valorisation sociale, l'intégration au LMD, c'est avoir une licence, donc catégorie A. C'est purement comme ça, c'est absolument pas pour développer une démarche disciplinaire, c'est pas du tout dans cette optique-là. Voilà. Et moi, je m'étonne que les universités qui vont, pour la plupart, signer des conventions avec les écoles d'infirmiers d'ici le mois de juin 2010, acceptent d'intégrer cette formation et lui donner un label universitaire, alors qu'au départ, c'est une formation professionnalisante et qui a été légitime dans ce cadre-là. Voilà. C'est un peu en décalage, mais je trouve que l'exemple infirmier, parce qu'on ne les entend pas, est assez pertinent, parce que ce qui se passe pour les enseignants, c'est ce qui s'est passé déjà pour les écoles d'infirmiers, où on est maintenant, on n'apprend que des compétences, alors qu'il y avait certaines disciplines à acquérir au départ. Enfin, moi, donc deux remarques sur ce que vous venez de dire. D'abord, l'idée que l'université serait un sac où on mettrait tout. Il faut savoir que l'université est née comme un sac où il y avait tout. Et que la spécificité du système français, c'est justement par rapport à ce que l'on observe ailleurs, c'est d'avoir multiplié de manière tout à fait exponentielle, contrairement à ce qu'on observe ailleurs en Europe, mais aussi aux États-Unis, des niches, les systèmes d'école, hein, les systèmes d'école qui sont en dehors de l'université tout en ayant vaguement un lien. Alors, en l'occurrence, pour les écoles d'infirmiers, non. Enfin, jusqu'à maintenant, pas tellement, hein, bon. Mais pour tout le reste, enfin pour beaucoup d'autres choses, oui quand même. Mais en même temps, c'est une spécificité du système français. Et ailleurs, l'universitas, c'est cette communauté de formation supérieure qui englobe à peu près tout et n'importe quoi. Donc, d'une certaine manière, l'idée du sac que vous employez, qui me paraît juste au demeurant, c'est une espèce de retour à une structure unique qui aurait vocation à tout abriter. Alors, la question qui se pose, évidemment, c'est comment on articule le passé proche, enfin, ou l'actualité même, c'est-à-dire l'existence d'écoles, etc., avec l'université. Puis, deuxième remarque, je laisse la parole à mes collègues, qui ont évoqué aussi le problème, hein. Connaissance, compétence. Moi, je vais vous dire mon sentiment là-dessus. J'en ai ras-le-bol, mais vraiment, quoi. D'entendre, oui, alors vous avez des connaissances, mais il faut valoriser ça en termes de compétences, mais alors là, vous avez acquis des compétences, mais vous êtes un peu juste en connaissance. C'est-à-dire cette rhétorique fondée sur une méconnaissance, me semble-t-il, ontologique, de ce que sont nos formations, en l'occurrence, à l'université, et en rapport avec le métier d'enseignant, bien sûr, est insupportable. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des compétences sans avoir des connaissances ? Alors, je veux bien qu'on puisse avoir des connaissances et des difficultés à les communiquer. Je veux bien admettre aussi qu'il puisse y avoir un gap entre un certain type de connaissances acquises et des contextes de mise en œuvre qui pourraient sembler différents. Mais en même temps, il y a des réflexes derrière. C'est-à-dire qu'au-delà des savoirs disciplinaires, il y a des procédures intellectuelles qui sont mises en œuvre. De lecture, analyse, recherche, toutes ces choses qui peuvent s'exercer sur des domaines extrêmement différents. me semble-t-il. Et bon, et de fait, je suis pas en train de vous expliquer qu'en tant que médiéviste, je vais vous opérer du pied si vous avez un problème au pied, parce que de fait, j'aurai un peu de mal. Mais à champ disciplinaire comparable, on peut trouver quand même des ponts, et la connaissance et la compétence, me semble-t-il, sont liées. Et cette idée de faire des bilans de compétences, bon, est-ce que vous savez lire et écrire? Oui. Est-ce que vous savez faire un résumé? Oui. Est-ce que vous savez chercher une information? Oui ou non, d'ailleurs. Hein, bon, certes, c'est une manière d'appréhender le problème, mais la dissociation me paraît extrêmement pernicieuse. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à exclure de certains recrutements ou de certaines zones des individus. C'est comme ça qu'on nous explique que les formations, chez nous, en lettres et sciences humaines, fabriqueraient que des chômeurs incompétents. Ce qui est totalement faux, parce que les taux d'insertion, en l'occurrence, sont les mêmes. Donc c'est vraiment, pour le coup, politique et idéologique. C'est, me semble-t-il, la volonté, ça a été dit par notre collègue, la volonté éminemment politique de fabriquer des individus qui savent résoudre des problèmes sans savoir les poser, qui est le truc du moment, quoi. Enfin, ça fait déjà un petit temps que ça dure, parce qu'effectivement, les gens qui savent poser des problèmes, bon, bah, ça empêche de tourner en rond, quoi. Alors, on vous dit, mais vous n'êtes pas capable de produire du consensus, vous n'êtes pas constructif. C'est-à-dire, l'idée du travail critique, on l'entend comme critique du genre « il m'a critiqué, madame ». Mais c'est pas ça, le travail critique. C'est de dire, face à une situation, bon, je mobilise des réflexes que j'ai acquis et qui s'acquièrent, en effet, pour dire ce qui peut poser problème dedans. Et après, trouver la solution, je dirais, d'une certaine manière, c'est un peu à la portée de n'importe quel imbécile. Ce qui est important, c'est de savoir trouver le problème, enfin, me semble-t-il. Juste une remarque après, sur le mot compétence. En fait, dans le champ de la profession infirmière, c'est la question de l'interchangeabilité des agents et de l'employabilité. Nous, il y a plein de micro-disciplines. Il y a des gens qui vont faire de la psychiatrie, il y a des gens qui vont faire de la réanimation. La question de la compétence, c'est que l'un peut aller à l'autre endroit du jour au lendemain parce qu'il y a un besoin. Chez nous, c'est ça. Bien sûr. Mais juste un mot, je souligne ça. C'est vrai que tout vient d'un fantasme, mais déjà ancien, enfin, dans l'économie. Il y a toute la différence entre ceux qui parlent du marché du travail et ceux qui parlent du marché de l'emploi, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est là au cœur. Et puis aussi, l'idée que la formation se fait un peu sous la forme d'une checklist, en fait. C'est comme quand on apprend la plongée au Club Méditerranée. Donc, il y a un type qui a une feuille. C'est avant, il y a une connaissance, on apprend. Puis après, on a la compétence, on a un certificat. C'est-à-dire qu'au fond, tout passe par des procédures extrêmement normalisé, mais tout ça fonctionne avec en amont de la question centrale hein, de notre société, qui est la question de l'évaluation, en fait. Hein. C'est-à-dire que tout ça se met en place autour de la question de l'évaluation. On peut évaluer les gens parce qu'on peut cocher des compétences, et évidemment, toute la question qui va se poser, à mon avis, assez rapidement, mais ça, c'est sur un plan politique, c'est qui évalue les évaluateurs, quoi, hein, je veux dire, parce que là, on est là dans tous les domaines sur eux-mêmes. Cette question-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont, quel compte ont-ils eux-mêmes, la ERS ben s'auto-évalue, oui, c'est quand même... S'ils s'auto-évaluent, c'est plus de l'évaluation. Est-ce qu'il y a, comme j'ai l'impression qu'il y a autre chose à 19h, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Je voudrais juste terminer sur une petite touche d'espoir qui est tombée dans ma boîte mail hier. Le programme de physique-chimie. Le programme de physique-chimie du lycée, vous savez qu'on est en train de revoir tous les programmes, hein, et donc bref, nous aussi on est très mobilisés évidemment avec vous. D'ailleurs, de ce point de vue-là, il faut absolument que je lise le rapport dont vous parlez, parce que la première année comme propédeutique et l'année de terminale comme propédeutique à l'université, je pense qu'il y a peut-être une connexion à faire, parce que c'est ça aussi qui nous est présenté dans la réforme du lycée. Je vous lis juste quand même par rapport à tout ce qui a été dit, rassurez-vous, il y a un rapport, le préambule une partie du préambule du programme de physique-chimie. Donc, est-ce que, je ne sais pas s'il y a des physiciens chimistes parmi nous. Ah, ben, écoutez, moi, je voudrais vous féliciter. En tout cas, vous pouvez féliciter votre corps, si jamais vous vous sentez y appartenir. La science a été élaborée par des hommes et des femmes. Nous, on ne parle pas encore d'hommes et femmes, hein. On est encore des hommes, hein, nous, en histoire. Hein. La science a été élaborée dans les programmes scolaires par des hommes et des femmes vivant dans un contexte temporel, géographique et sociétal donné. En remettant en cause les conceptions du monde et de la place de l'homme, son progrès s'est souvent heurté au conservatisme, aux traditions, aux arguments d'autorité, aux obscurantismes de toutes sortes. En ce sens, faire connaître à l'élève l'histoire de la construction de la connaissance scientifique est source d'inspiration pour la liberté intellectuelle, l'esprit critique et la volonté de persévérer. Elle est également une école d'humilité et de patience, dans la mesure où cette histoire s'est accompagnée d'un impressionnant cortège d'hypothèses fausses, de notions erronées, autant que de controverses passionnées. L'approche historique montre que la science moderne, qui transcende les différences culturelles, est universelle et qu'elle est désormais le bien de l'humanité tout entière. Écoutez, moi, franchement, si les préambules de nos programmes d'histoire pouvaient ressembler à ça, je peux vous garantir qu'on aurait fait un grand pas. Hein. Il va y avoir une protestation. Oui, mais ça dit, ça parle quand même. C'est le bien universel. Je pense que c'est vraiment grave. Et vous devriez lire le départ, le préambule de la stratégie nationale de recherche et d'innovation pour voir qu'on est dans une période de retour du scientisme le plus primaire et que nos gouvernants sont en train de remplacer la science, toute la politique par la science. Et donc, ce préambule-là va parfaitement là-dedans. Et je ne suis pas sûre que ça soit un bien. Sur la construction des savoirs, je ne suis pas d'accord avec vous. Sur votre interprétation, dernière phrase, au regard de ce que vous me citez, que je ne connais pas, ça d'accord. Mais sur la construction du savoir, les bienfaits de l'erreur, etc., je suis désolée, ça ne se dit nulle part dans les sciences humaines et sociales. Ça ne s'est jamais fait dans les sciences physiques, ça m'étonnerait que ça... Ah oui, mais ça c'est autre chose. Après, là, voilà. La transposition, la question de la transposition, ça c'est autre chose, effectivement. Mais au moins c'est dit. Je veux dire, c'est dit nulle part. Mais non, mais pas parce qu'il y a effectivement quelques grands physiciens, comme Jean-Marc Lévy-Leblond, qui n'ont pas arrêté de dire depuis 15 ans... qu'on ne pouvait plus continuer à faire de la science sans faire un peu d'épistémologie et d'histoire des sciences. Mais ça, c'est une belle phrase qui va... vu la dernière phrase, elle est contredite par la dernière phrase. Et c'est grave qu'elle soit contredite par la dernière phrase. Pas d'autres questions, on va trouver... Oui, Michel. Sur une question, il me semble qu'il y a un module dans la formation des enseignants qui est agir en fonctionnaire ou en enseignant. Oui, voilà. Alors, j'aimerais savoir. Oui, c'est effectivement. C'est un module. Hein. Non, mais. La deuxième partie de l'instruction dossier à l'oral. Ça oui, c'est l'éthique, se comporter de façon éthique. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, ça. D'un certain côté, c'est ce renforcement de la culture hiérarchique dont je parlais, c'est-à-dire qu'on prend au mot l'idée du fonctionnaire d'autorité qui doit. Bon, il se trouve que pour nous, et je parle sous l'autorité indirecte du nouveau président du CAPES, c'est que pour nous en histoire, ça va pas réellement changer, c'est-à-dire qu'on va bidouiller ça, puisque vous savez, il y a une marge d'autonomie en questionnement sur l'éducation civique, cette non-matière dont a parlé Laurence tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au fond, agir de façon éthique, c'est connaître un petit peu les grandes notions qui sont à ce programme, la citoyenneté, la laïcité, des choses comme ça. Et donc, ça peut être décliné selon les matières de façon très différente. Pour l'historien, on est inquiet sur beaucoup de choses, mais pas tellement ça, parce que dans les compétences, ça peut se coordonner avec les programmes d'éducation civique, et donc là, il n'y a pas de trop de danger. Mais c'est vrai que pour les autres CAPES ou les autres disciplines qui n'ont pas ce recours à l'éducation civique déjà un petit peu balisé, ça pose vraiment des problèmes. On ne sait pas s'il ne va pas y avoir des études de cas où il faudra dire qu'on est du côté de l'autorité, tout un, etc. Donc, mais ça, c'est sûr. Mais ça... Est-ce que ce n'est pas justement aux historiens de refuser de bidouiller quoi que ce soit avec cette épreuve et de la refuser précisément parce que les historiens peuvent savoir ce qu'il en est de la signification d'un truc pareil? Je ne suis pas d'accord. Non seulement la formulation, mais en plus de postuler que c'est un critère de recrutement. Parce que si agir en fonctionnaire éthique et responsable, ça consistait à s'assurer que, par exemple, à donner... dans le cadre de la formation, mais a posteriori, enfin une fois qu'on a eu le concours, dans le cadre de la formation que tu dispenses à l'UFM, un certain nombre d'outils aux étudiants pour, je ne sais pas moi, face à des cas difficiles, comment on fait, je suis en conflit avec le proviseur. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de difficile. Avec un élève et le proviseur, il n'est pas d'accord ou vice-versa, c'est quoi le cas? Bon, qu'on parle de ça dans le cadre de la formation. Avec un autre titre en plus, parce qu'agir en fonctionnaire éthique et responsable. Bon, s'il s'agit de, tu vois, de donner des pistes pour les relations avec les parents, pour les relations avec je sais pas quoi, bon, pourquoi pas, mais en amont que ça devienne un critère de sélection, non, c'est vertigineux. Quand je dis bêtise, non mais Évidemment, mais la question, je parlais du bidouillage parce que c'est comme ça que ça se passe, les concours. C'est-à-dire qu'il y a une lecture centrale. Par exemple, en histoire, l'épreuve de SD dont je parlais tout à l'heure est pratiquement seule dans notre discipline. C'est-à-dire qu'on a intégré l'épistémologie, cette fameuse idée de Lévi-Leblond est évidemment aussi dans le cadre de l'histoire. Donc, je veux dire simplement que éthique et responsable, ça veut dire que c'est des choses beaucoup plus spécifiques, hein, beaucoup plus juridiques. C'est-à-dire le droit de l'Internet, par exemple, des choses comme ça. C'est pas seulement dans les relations avec les parents, il y a un cadre qui est déjà fixé. Hein. Il y a le verbe agir. Hein. Le verbe agir n'a pas de sujet. Donc, nécessairement, le sujet du verbe agir, ce sont les étudiants qui sont examinés sur cette question. Oui, mais appliquer les concours, les programmes, c'est aussi... Ce n'est pas du bidouillage. On peut... Enfin, moi, je trouve que c'est une façon de considérer le rapport aux instructions, mais dont on crève, y compris à l'université. Je veux dire, on est compétent précisément. On sait un certain nombre de choses. Pour refuser un certain nombre d'instructions, et il est possible, cette épreuve, elle est inadmissible. Enfin, je veux dire, s'inscrire à un concours de fonctionnaires, ça suffit. Il y a des implications. Le problème, c'est qu'on est aussi, dans un contexte où l'éthique du fonctionnaire est en train d'être complètement retraduite politiquement dans l'espace public. C'est-à-dire qu'on nous bassine avec le devoir de réserve qui n'existe pas. Là, maintenant, la période de réserve, on a reçu un nouveau document qui parle de période de réserve. Donc, on nous bassine avec... On est dans un contexte où Guénot nous rappelle notre devoir d'obéissance. C'est pareil, je veux dire, ça n'a aucun fondement juridique. Il faut rappeler justement que c'est pas écrit tel quel. Être fonctionnaire quand on est enseignant, être fonctionnaire, c'est pas appliquer des ordres. Être fonctionnaire, c'est aussi participer au processus de négociation de l'institution à laquelle on appartient. Il y a des profs dans les commissions de programme, par exemple. Il y a aussi des gens qui sont consultés sur les programmes. Donc, on est, en tant que citoyen, membre à part entière de processus de négociation, de délibération. Donc, on est pris dans un processus démocratique. Or, aujourd'hui, les gens qui vont dès le mois de juin, interroger sur l'éthique du fonctionnaire, sont des gens qui n'auront pas travaillé la question parce que c'est extrêmement difficile à travailler et que pour le coup personne n'a les compétences, sauf peut-être les juristes, mais qui ne font pas passer de CAPES pour pouvoir la travailler, et qu'effectivement les étudiants, comme les stagiaires le sont déjà depuis 2 ans, vont être interrogés selon des critères qui sont les critères de l'opinion publique, ni plus ni moins, donc des critères qui sont extrêmement autoritaires. Merci. Alors, on va être obligé d'arrêter au moment où ça s'emballe, mais je crois qu'il y a autre chose dans l'amphi derrière nous. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce séminaire.